Vie éternelle. Voici une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Alors qu'il parcourait son royaume, un puissant roi aperçut au détour d'une côte ensoleillée un vieil homme respectable qui, le dos courbé, était en train de travailler. Le roi, accompagné de son serviteur, se rapprocha du vieux monsieur et remarqua qu'il était en train de planter quelque chose. « Que fais-tu ? » lui demanda le roi. « Je plante des palmiers d'Ati, » répondit le vieillard. Le roi, surpris, dit « Tu es déjà si âgé, pourquoi plantes-tu quelque chose dont tu ne pourras pas en tirer profit ? Tu ne pourras pas te reposer à l'ombre de cet arbre, ni en goûter les fruits ?» Le vieillard regarda le roi et lui dit « Ceux qui sont venus avant nous ont planté, et nous, nous pouvons récolter. C'est pour cela que nous plantons maintenant à notre tour, pour que ceux qui viennent après nous puissent récolter. » La réponse plut au roi, et il donna à l'homme une pièce de monnaie. Le vieux jardinier s'agenouilla devant le roi et le remercia. Le roi demanda « Pourquoi t'agenouilles-tu devant moi ?»« Eh bien, » dit l'homme, « je n'ai pas seulement la joie de planter de jeunes arbres. Ils ont déjà porté des fruits, car vous m'avez donné cette pièce de monnaie. » Le roi se réjouit de nouveau de cette réponse et lui donna encore une pièce de monnaie. À nouveau, le jardinier s'agenouilla devant le roi et dit « La plupart des arbres ne donnent de fruits qu'une seule fois, mais mes arbres ont déjà rapporté deux fois des fruits. » Le roi dit et demanda « Quel âge as-tu ? » L'homme lui répondit « J'ai 12 ans. » « Comment est-ce possible ? Tu as pourtant l'air beaucoup plus âgé, » s'étonna le roi. Le jardinier répondit « Pendant le règne de votre prédécesseur, le pays affrontait nombre de guerres et de problèmes, ce qui n'était pas une vie pour moi. Mais depuis que vous êtes sur le trône, les hommes sont heureux et vivent en paix. Comme cela fait maintenant 12 ans que votre règne a commencé, alors je n'ai que 12 ans. » Le roi fut tellement ravi de cette réponse qu'il ne put s'empêcher de lui donner une autre pièce, puis il lui dit « Je dois partir maintenant, car si je continue encore à t'écouter, je vais y laisser toute ma fortune. » Selon Abdul Baha, 1844-1921.